Un big salaire, moi je préfère un vitalais et un petit jablesse. Un style amer, un flic sa mène. Un flic sa mère, un dix sa claire. Un site sa mère, un type la chef. Pendant que j'hésite à le faire. Un dix sa blesse, une mitraillette qui brise la tête. Tu dis que ça pète. Un big salaire, moi je préfère un vitalais et un petit jablesse. Un style amer, un flic sa mène. Un flic sa mère, un dix sa claire. Un site sa mère, un type la chef. Pendant que j'hésite à le faire. J'arrive avec un texte corsé, c'est pas du freestyle encordé. Veux donc il faut laisser boule de cristal. Et j'tise, il arrive pendant que tu dises la sainte. Si t'assassines pas prêt, tu commets des petits larcins. Navré, ramène le cash, il faut que j'y glisse ma main. Pareil qu'il faut que je me fâche ou bien que je te gifle, gamin. Enfoiré, je tâche, je vais pas subir une crise de la faim. Ramène un flic en face, tu verras si je pisse pas loin. Je casse le beat, j'ai mon équipe, mais pas besoin d'être à 10. Seul tout sur ma feuille, donc obligé de serrer la vis. Je sors de l'ombre, je balance mes vagues de consensé. Ton style est vendu, comment peux-tu pouvoir m'avancer? J'arrive avec my man Cooks. On te shoot, sec, tu veux que je te dise un truc? On n'en a rien à foutre, mec, vas-y, start le stick pour qu'on devienne des stars mystiques. Des tas de lyrics, des phrases qui glissent pour démolir tes statistiques. Statistique, un dix ça blesse, une mitraillette qui brise ta tête, tu dix ça pète, un big salaire, moi je préfère un vitalais et un petit jablesse, un style amer, un flic sa mène, un flic sa mère, un dix ça claire, un site sa mère, un type la chef, pendant que j'hésite à le faire. Un dix ça blesse, une mitraillette qui brise ta tête, tu dix ça pète, un big salaire, moi je préfère un vitalais et un petit jablesse, un style amer, un flic sa mène, un flic sa mère, un dix ça claire, un site sa mère, un type la chef, pendant que j'hésite à le faire. Eh ouais c'est nous, eh y'a pas de quoi faire un scandale. J'te comprends déjà très bien quand t'as chaud dans tes sandales. On te rentre dans le mental, t'écrases comme Klopp dans le sandal. C'est le plaisir avant le genre art, le test est une autre. Pas sur le track, une grosse claque, trop de stress dans nos vies. On s'accorde une grosse rap, tu voulais qu'on shoote ça, ouais. Tu voulais qu'on goûte ça, si t'as des problèmes auditifs, appelle-nous les coupables. Si t'es perdu, prends le guide du broutard. Notre son agite pique comme une petite moutarde, ouais. On fonce tel des motards, ouais on fume tel des fonces. Car je n'ai pas tes coups, pas des ventards. Non, non, pas de chantage, sur ta bouche une bonne tarte. Sur la table un bon pack et un paquet de malbac. Captain Cooks, note ce nom sur ta plaque. J'suis un vieux fossile, mec, comme la manche te rattrape. Comme la manche te rattrape. Comme la manche te rattrape.